Faut pas oublier là, qu'on a commencé ici le 27 août l'an dernier. Tout partout aussi, où c'est qu'on est, là, le building, le garage, l'usine, les réservoirs, le 27 août de l'an passé, là, on regardait un site avec rien. Le vice-président finance, Brian Coates, et le directeur général des opérations de la corporation minière Osisko, Denis Simon, regardent l'évolution des travaux. Un an après avoir obtenu l'autorisation par le Conseil des ministres, la majorité des travaux est complétée. Le président Sean Rosen. Ici, on travaille avec les camions de 240 tonnes. On travaille avec une usine de broyage capable de 55 000 tonnes par jour. Et au point de vue du Canada, c'est probablement la mine d'or la plus grande qui va être mise en marche en 2011. L'entreprise dépense près de 2 500 000 $ chaque jour en main-d'œuvre et en équipement. 80 % des 800 travailleurs proviennent de l'Abitibi-Témiscamingue. Le vice-président finance, Brian Coates. La majorité des entrepreneurs viennent de la région. Puis c'était quelque chose qu'on avait établi lors des audiences du BAP, puis qu'on avait dit à la population que ce serait des entreprises régionales qui feraient ce projet-là. Les travailleurs poursuivent présentement la construction du mur de sécurité qui sépare le site et le centre-ville. Ils doivent ensuite creuser la fosse principale. La corporation minière Osisko espère débuter la production en mai 2011. Sandra Ataman, Radio-Canada.